Chapitre 9. Gemma revit Salvatore quelques jours plus tard dans la bibliothèque. Cette fois, ils parlèrent surtout de l'ouvrage en cours. Monsieur de Camparène était enthousiasmé de sa collaboratrice. Elle a le don de l'ordre, de la clarté. Aussi avançons-nous rapidement dans notre travail. S'il n'y avait pas ces deux maudits mois de Dina, nous aurions tôt fait de le terminer. Et après, vous n'auriez plus rien à faire, grand-père. Le vieillard leva les bras au plafond. Plus rien à faire, mais au contraire, des masses de choses. Je voudrais aussi que Mademoiselle Gemma compulse nos archives. Peut-être y trouverions-nous matière à quelque ouvrage intéressant. Elle a déjà commencé un petit classement. Mais tout cela est en désordre, personne n'ayant eu la curiosité d'y mettre le nez depuis longtemps. Mon père me disait « Fouiller dans ces vieux papiers, ce n'est pas dans mes goûts. Moi, je me suis mariée jeune et je n'ai habité Bruxelles qu'en passant. Ton père n'avait pas d'attrait pour ces sortes d'études, ton oncle Richard non plus. Alors les vieux papiers sont restés dans leur caisse, d'où ces charmantes mains vont les exhumer. » Et galamment, M. de Camparène baisa les doigts de Gemma qui souriait. Espérons que vous n'y découvrirez pas quelque lourd secret de famille, mademoiselle, dit Salvatore, mi-plaisant, mi-sérieux. Des secrets plus ou moins pénibles, je pense qu'il y en a dans beaucoup de familles, répliqua M. de Camparène. Certains sont venus au jour, d'autres demeureront enfouis dans les archives, ou bien n'auront été connus que de quelques contemporains qui ont gardé le silence. Nous avons un lourd poids d'hérédité, mon enfant, et parfois une tare, morale ou physique, qu'on croyait disparue, se manifeste à longue échéance dans la descendance. Oui, et c'est angoissant, grand-père. Est-ce pour cela que tu ne veux pas te marier ? Demanda le vieillard en posant sa main sur celle de son petit-fils. Non, je n'ai pas le droit de m'arrêter à cette crainte. Je dois faire confiance à Dieu. Ma résolution de célibat, qui d'ailleurs n'est pas irrévocable, n'a rien à voir avec ces troublantes questions d'hérédité. Sur ces mots, Salvatore prit congé de son aïeul et de Gemma. Comme à chacun de ses entretiens avec lui, il restait à la jeune fille une impression rafraîchissante de loyauté, de noblesse d'âme, qui parut bonne à son esprit anxieux. Elle le revit quelques jours plus tard, le dimanche qui précédait son départ, au sortir de la messe. Laetitia n'était pas là. Elle assistait à un congrès de chimistes à Paris et devait ensuite passer par l'Italie où l'appelaient quelques règlements d'affaires. Salvatore salua les jeunes filles au passage. Mao lui jeta un regard noir en disant entre ses dents « Si on pouvait ne jamais le revoir, celui-là » Gemma pensa avec un serrement de cœur « Quelle influence a pris sur elle ce Lionel ? C'est presque de la haine qu'elle a maintenant contre son cousin. » Madame d'Orphy arriva 4 jours avant la cérémonie. Elle était restée mince, alerte, mais sous le maquillage se devinait la flétrissure des traits fins causée par la cinquantaine et surtout par une trépidante existence mondaine. Ainsi que l'avait prévu Gemma, Lionel lui inspira aussitôt le plus vif enthousiasme, d'autant mieux qu'il se montra à son égard prodigue de flatterie et d'amabilité. « Quelle chance tu as, ma petite Mao » répétait-elle. « Quelle merveilleuse chance !» Il voulut lui faire visiter la serre et, après lui avoir fait admirer la fameuse rose Cynthia, coupa pour elle celle qui venait de s'épanouir. « Les suivantes seront pour ma chère Mao, » ajouta-t-il avec son plus caressant sourire. Mao avait dû apprendre à sa mère les sentiments de Gemma à l'égard de Lionel, car Madame d'Orphy attaqua sa fille cadette sur ce sujet la veille du mariage, tandis qu'elles se promenaient toutes deux dans les jardins. « Tu parais singulièrement froide à l'égard de cet homme charmant. Que lui reproches-tu donc ?»« Sa fausseté, » répondit nettement Gemma. Madame d'Orphy rit ironiquement. « Voilà un beau jugement. Parce qu'un homme est aimable, toujours doux et souriant, mademoiselle le déclare sans franchise. Vraiment, Gemma, tu as un caractère impossible. Et je crois surtout que tu es jalouse de la chance inespérée qui échoit à ta sœur. » Gemma eut un sursaut de protestation. « Moi, jalouse de ce mariage ? Ah, maman, comme vous me connaissez peu ! Mon seul espoir est de me tromper sur cet homme, et je vous assure que j'aurais un grand poids de moins sur le cœur si, dans quelque temps, je voyais Mao heureuse comme elle l'est aujourd'hui. Eh bien, tu peux le déposer dès maintenant, ton poids sur le cœur. Le bonheur futur de Mao ne fait pas question. Ah, qui est donc cette belle personne ? » La personne en question était Laetitia, arrivée le matin même. Gemma les présenta l'une à l'autre et les laissa en conversation, tandis qu'elle rejoignait Aubert, étendue sur sa chaise longue, dans l'ombre de la loggia. Elle s'assit près de la petite fille et prit un ouvrage de broderie. Aubert attachait sur elle son doux regard songeur. Elle dit tout à coup « Vous êtes triste, mademoiselle. Quelqu'un vous a fait du mal ?» Un sourire mélancolique vint aux lèvres de Gemma. « Oui, ma petite Aube, quelqu'un m'a fait un peu de mal. Ce n'est pas la première fois. Mais cela passera. Ne vous inquiétez pas, ma petite enfant. » Rien n'était changé. La partialité maternelle pour Mao restait semblable à autrefois. Comme autrefois aussi, tout ce que disait ou faisait Gemma était tourné à mal. Jalouse, elle, jalouse de la chance de Mao. Un amer mépris soulevait le cœur de Gemma. Là-bas, à l'autre extrémité de la loggia, elle voyait sa sœur occupée à faire la lecture à Lionel. Assise tout près de lui, elle lui abandonnait sa main qu'il couvrait de baisers, sa main dont il avait la veille orné un des doigts d'une nouvelle bague. « Une merveille !» disait Madame d'Orfier avec une admiration mêlée d'envie. Gemma détourna la tête en retenant un soupir. Elle pensa, en regardant Aubert, qui fermait ses paupières sur ses yeux trop graves. « Pauvre petite, nous nous ressemblons sous ce rapport. Toutes deux, nous sommes celles qu'on n'aime pas, celles dont l'affection est dédaignée, celles, pourtant, qui savent aimer dans le vrai sens du mot. » La cérémonie nuptiale fut célébrée le lendemain dans la chapelle du château. Située dans la partie la plus ancienne, elle ne servait plus guère depuis longtemps. Le mariage de Lionel et de Juliette y avait eu lieu aussi. Les fleurs et les lumières lui enlevaient pour un moment cet aspect d'abandon, d'obscurité, dont Gemma avait ressenti la désagréable impression quand elle l'avait visité au début de son séjour à Bruxelles. D'épais tapis couvraient le sol jusqu'au degré du petit hôtel de pierre. Sur eux se déploya la longue traîne de Mao, éblouissante dans les soyeuses blancheurs de sa robe, sous le voile de précieuses dentelles que Lionel avait voulu disposer lui-même sur les boucles brunes, avec cette adresse, ce sens artistique qu'on ne pouvait lui dénier. « Un magicien !» disait son enthousiaste belle-mère. Un prélat italien, ami des Camparennes, donna la bénédiction nuptiale. Le curé du village célébrait la messe. Il n'y avait pas d'invité en dehors de Brigida Tchernine et de Mademoiselle de Rambertin, arrivée deux jours auparavant. Les relations plutôt cosmopolites des Camparennes ne se trouvaient pas à cette époque sur la côte et la parenté anglaise de Lionel avait seulement envoyé félicitations et cadeaux. Ce fut donc un lunch tout intime et le soir un dîner semblable qui réunirent autour des nouveaux mariés les hôtes de Bruxelles. Madame de Camparennes, son mari, Gemma et les petites filles devaient partir le lendemain matin. Tout était prêt, les bagages envoyés à l'avance. En prévision de la fatigue du voyage, Aubert restait couché. Joyce jouait avec Oleg Tchernine. Laetitia proposa à Mademoiselle de Rambertin et à Gemma une promenade aux alentours de Bruxelles. Elles revinrent par le bois et passèrent devant le pavillon de Salvatore. Avec une exclamation, Mademoiselle de Rambertin s'arrêta devant une des statues. « Mais c'est Juliette !»« Oui, c'est Juliette !» dit Laetitia. « Admirable de ressemblance, de vérité. Qui a fait cela ?»« Salvatore !» « quelle artiste! C'est bien elle, telle qu'elle était au moment de son mariage, si finement jolie, si pleine de vie. Cette statue a été faite après sa mort. Après sa mort? Comment? Elle n'a pas posé? Salvatore ne fait jamais poser ses modèles. C'est inouï! Quelle mémoire visuelle! Cette chère petite Juliette semble véritablement prête à s'avancer vers nous, à nous parler. Voyez, il y a même cette fossette près de la joue qui donnait tant de charme à son sourire. Et ce petit clin d'œil qu'elle avait parfois, si amusant. Vraiment, il fallait que votre cousin ait étudié minutieusement cette physionomie, saisi, retenu tous ces changements d'expression si variés. Comme aurait pu faire un amoureux, dit Laetitia. Gemma tressaillit et jeta un coup d'œil vers elle. Mais l'impénétrable visage ne révélait rien. Comme un amoureux, répéta Mademoiselle de Rambertin. Elle se mit à rire. Mais je pense bien qu'il ne s'agissait pas de cela, de lui à elle. Chère mademoiselle, nous ne connaissons pas le secret des cœurs, surtout d'un cœur tel que celui de Salvatore, très fermé. Ah, vous supposez que... Mademoiselle de Rambertin semblait très intéressée. Heureusement, cette gentille Juliette était très amoureuse de son mari, sans quoi la situation eût pu être très délicate. Très délicate, en effet, dit Laetitia. Un bref sourire, nuancé de sarcasme, entr'ouvrit ses lèvres. Puis elle parla d'autre chose et reprit avec ses compagnes le chemin du château. Mais la curiosité de Mademoiselle Rambertin avait été éveillée. Avant le dîner, tandis qu'elle se promenait dans les jardins avec Gemma, elle lui demanda « Aviez-vous déjà entendu parler de ce que nous a dit Donna Laetitia ?» La comtesse Camparini n'aimait pas cette pauvre Juliette, je m'en suis aperçue. Il ne faut donc pas accorder de crédit à ses insinuations, assez déplacées, il faut le reconnaître. Elle n'aimait pas Juliette, pourquoi donc? Je l'ignore, mademoiselle. Mais Gemma, en se rappelant certains regards des yeux sombres glissés vers Salvatore, se doutait au contraire du motif de cette aversion. À tort ou à raison, Laetitia croyait son cousin épris de Juliette et elle, qu'il aimait, ne le pardonnait pas à la jeune femme. À tort ou à raison, Gemma se le demandait toujours et elle en éprouvait une certaine perplexité. Dans la matinée du lendemain, M. de Camparène, sa femme, Gemma et les petites filles quittèrent Bruxelles dans la voiture conduite par Ali, le chauffeur noir. Mademoiselle de Rambertin était partie quelques instants auparavant dans sa petite voiture. Sur le seuil du château se tenaient Lionel et Mao. La jeune femme était éblouissante de beauté, de joie, dans une robe vaporeuse couleur d'aurore. Lionel, souriant, appuyait une main sur son épaule. C'était une vision de parfait bonheur. Mais en levant la tête, Gemma aperçut à une fenêtre du premier étage la face grimaçante de Zora. La naine riait, riait, en agitant ses petites mains. Gemma ferma les yeux, le cœur étreint par l'angoisse. Près d'elle, Madame de Camparène disait avec satisfaction « Ces chers enfants, les voilà heureux. Nous pouvons partir tranquilles, Gemma !»